Chapitre 10e. Le lendemain, c'était le jour de la promenade à Liverdun. Guy partit vers 10 heures en voiture et Antoinette sortit à cheval. Comme elle allait tourner sur la route de Clairlieu, elle aperçut Bessège, à cheval aussi, arrêté au carrefour formé par les avenues. Il semblait regarder et attendre. Dès qu'il vit la comtesse, il se remit en marche et vint à elle, lui faisant un salut arrondi et disant « Ah, j'avais si peur de vous manquer. » « De manquer, » répéta-t-elle, surprise. « Oui, de manquer votre sortie. Je pensais bien que vous monteriez à cheval, puisque vous n'alliez pas à Liverdun. Mais vous y allez, vous, monsieur ? J'ai bien le temps. D'ailleurs, j'y vais ou je n'y vais pas, ça dépend de vous. »« De moi ? » ?»« Oui, si vous ne m'empêchez pas de vous accompagner. »« Je ne peux pas vous en empêcher, mais vous pourriez me dire que cela vous est désagréable. »« Je n'oserais pas avoir cette franchise. Savez-vous, madame, que cette réponse équivaut à un congé ?» Vous êtes sans pitié. Sans pitié pour qui ? Mais pour ceux que vous affolez, pour les repousser ensuite. Je n'affole ni ne repousse personne. Si, moi. Mais je ne vous empêche pas de suivre cette route que je suis aussi, et qui est d'ailleurs celle qui vous mène à Liverdun. Quand j'en aurai assez, j'en prendrai une autre, et tout sera dit. Et si je vous suis encore ? Vous ferez dans ce cas une des choses inconvenantes et de mauvais goût. Vous me détestez donc bien, moi ? Et pourquoi vous détesterais-je, grand Dieu ? Enfin, vous préférez être seul. Ça, je l'avoue. Vous n'aimez pas à sentir près de vous un esclave soumis qui vous adore. Comme elle le regardait, souriant de son large sourire gouailleur, il ajouta d'un ton pénétré, semblant se parler à lui-même, « Et qui vous plaint ?» La comtesse se redressa. « Qui me plaint ? » demanda-t-elle impérieusement. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Ça veut dire, madame, que quand on est comme moi, sincèrement et profondément épris, on déplore de voir méconnue une créature adorable. Alors je suis méconnue. » Et après un silence menaçant, elle ajouta « Je suis bien aise d'apprendre ça. Ne raillez pas. Ne faites pas semblant d'ignorer ce que vous seriez seul à ne pas savoir. Monsieur de Bessège, » dit Antoinette d'une voix que la colère enrouait un peu, « je vous savais un être insignifiant et inutile, mais je ne vous croyais pas malfaisant. » Et comme il faisait un mouvement, elle reprit « Oui, malfaisant, madame. Je ne vois pas ce qui vous irrite ainsi contre moi. J'ai beau chercher. Ne cherchez pas, je vais rappeler vos souvenirs. Dès mon arrivée dans ce pays, vous avez bien voulu vous occuper de moi beaucoup plus que je ne le désirais. Je vous rencontrais partout. Dans toutes les maisons où j'allais, je vous voyais arriver. À Nancy, dans les magasins où j'entrais, vous entriez à ma suite. Vous affectiez de me parler bas, de me regarder de côté. Enfin, vous aviez avec moi des façons qui ne me convenaient pas. Vous me l'avez dit. Oui, je vous l'ai dit, mais gentiment. En camarade qui donne un conseil plutôt qu'en femme qui donne une leçon. Aujourd'hui, vous ne vous contentez plus des allures équivoques et des regards langoureux. Vous joignez à cette première manière une déclaration ridicule. Oui, pleinement ridicule. Accompagnée de je ne sais quelles insinuations perfidement obscures desquelles vous espérez profiter. Un joli métier que vous faites là. Madame, balbutia Bessège, très rouge. J'ai cédé à un entraînement que... Un entraînement, vous, allons donc. Vous ne savez même pas si je suis jolie ou laide, intelligente ou bête. Vous ne m'avez même pas regardé. Mais par exemple, vous vous êtes informé si j'étais une femme chic. Vous avez évalué mes robes et commenté mes dessous. Vous vous êtes demandé, avant de céder à l'entraînement considérable dont vous parliez tout à l'heure, si une liaison ou une apparence de liaison avec moi était de nature à vous poser. Et vous êtes... Et l'on vous a répondu oui. Ce qui est certes infiniment flatteur pour moi. Mais voyez-vous, monsieur de Bessège, il faut chercher un autre moyen de vous poser. Madame, vous êtes sceptique. Vous ne croyez pas à l'amour. Si, j'y crois, mais pas au vôtre. Au revoir. Je vais prendre la route qui me ramènera à Maron. Me pardonnez-vous ? Oui, mais ne recommencez plus ces histoires-là. En voilà assez. Soyez tranquille. J'ai trop compris à quel bloc de marbre je meurs pour risquer de vous déplaire encore. Mais en signe de réconciliation définitive, accordez-moi une grâce, laquelle ? Permettez-moi de vous accompagner aujourd'hui. Encore ? Non, je vous l'ai dit, je préfère me promener seul. Dites-moi au moins pour quelle raison vous refusez de m'accepter pour compagnon. Mais pour aucune raison, allons, au revoir. Elle tourna dans la grande allée gazonnée et s'éloigna très vite, sans s'apercevoir que de loin, Bessège sournoisement la suivait. Au moment où elle arrivait à la côte de Maron, Jacques de Bièvre, sortant à cheval du fourré, sauta le fossé de la route. La comtesse s'écria, joyeuse de le voir, C'est vous. Ah, tant mieux. Nous allons nous promener ensemble, si vous voulez. Si je le veux. Ah oui. Il se pencha vers elle, l'examinant avec intérêt. Pas encore brillante, la mine, ce matin. Un petit papier mâché. Je suis sûr, moi, que vous dormez mal. Ou pas. Mais je dors à merveille. Guy est là-bas. Oui. Je lui souhaite bien du plaisir. Il en aura, n'en doutez pas. Monsieur de Bièvre regarda Antoinette. Il lui sembla qu'elle avait mis dans sa réponse un peu d'âpreté. Il reprit. Ces dames ne sont pas déjà si amusantes que ça. Pour vous peut-être, mais pour lui. Il est vrai qu'elles sont pour lui infiniment plus aimables que pour moi. Ce qui est d'ailleurs fort juste, attendu que lui est aussi aimable pour elles que moi. Antoinette répondit en riant. Ce n'est pas difficile. Inquiet, il demanda. Vous me trouvez désagréable. Je vous trouve froid, plutôt froid. Avec vous ? Oh non, pas avec moi. Avec moi, au contraire, vous êtes gentil comme tout. Est-ce que tout le monde n'est pas gentil avec vous ? Est-ce qu'il serait possible de n'être pas gentil ? Et dites-moi, ça ne vous agace vraiment pas que je me promène avec vous ? Ça me fait plaisir, grand plaisir. Tenez, quand je le dis que vous êtes gentil, et chaque fois que Guy ne montera pas, si vous voulez, je vous ferai signe. Vous viendrez me prendre. Comment chaque fois ? Ça lui arrive donc souvent de ne pas monter ? Non, pas souvent, mais de temps en temps. Elle paraissait triste, et M. de Bièvre, qui s'aperçut de cette tristesse, se demanda si réellement sa petite voisine était aussi indifférente qu'elle l'affirmait aux absences de son mari. Ils se promenèrent pendant 2 heures et rentrèrent sans se douter qu'à plusieurs reprises ils avaient passé devant Bessèges, caché sous bois pour les observer.